te regarde avec ses yeux. Elle te parle hors du temps. C'est un beau semaine au chant des saisons. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle bouge devant toi, ses bras se fichent. Elle aime le soleil, les reflets dans ses yeux bleutés. Elle aime le vent dans ses cheveux ondulés. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence. Elle danse, elle aime le silence.